بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Avant de commencer la lecture d'un nouveau livre, ma ikhwanina, insha'Allah ta'ala, naqra al-yawm hadha al-kalam al-jamil min alimin jalil, une réponse à une question importante de al-shaykh al-allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahmatullah alayhi. Ils lui ont posé la question: ma huwa علاج الهم والوسوسة بالرغم أني أقرأ المعوذتين وآية الكرسي. Donc cette personne elle pose cette question مهمة. C'est quoi العلاج؟ أي le remède contre الهم والغم والوسوسة. الهم c'est les soucis, الغم c'est l'angoisse, les problèmes, la tristesse. كثير من الناس ونسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. كثير أو جميع الناس leur but c'est d'avoir une vie paisible, c'est ça le but de chaque عاقل. لكن الإنسان يبتلى, on est في هذه الحياة, حياة الدنيا, et c'est une étape. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ibad pour les éprouver. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت, الذي خلق الموت, نعم, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى, il a créé le mort et la vie pour éprouver ses ibad. Qui sait qui va obéir? Qui sait qui va s'écarter des interdits? Qui sait qui va adorer Allah Azza wa Jal seul? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bi kulli shay'in alim, lakin li taqoum al-hujja 'ala al-ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera ses ibad yawm al-qiyama. Fa celui qui a réussi cette épreuve, il a le jannah avec les mu'minin. Et celui qui n'a pas réussi cette épreuve, fa ila jahannam 'iyadan billah. هذا c'est مهم. C'est مهم أيها العبد. أن tu dois savoir, et il va citer ce point Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, أن cette dunya c'est un passage. Parce que ce qui t'arrive comme problème, comme souci, tu dois savoir comment te comporter. Désespère jamais. T'es un mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimi. Ces épreuves qui te touchent, tes soucis, ces maux, tes inquiétudes, ces angoisses, ne désespère pas. La taqnut min rahmatillah. Lakin, savoir comment se comporter avec ces points que le Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, il a cité, ça aide beaucoup le mu'min. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lire hada. Léana ma minna, et on est touché par hada. T'es un être humain. Des jours où t'es heureux, des jours où t'es moins heureux, ou malheureux, ou triste. Un jour où tu es touché par une épreuve, par la perte d'un proche, par une maladie, par la pauvreté, etc. Enfin, c'est muhim de savoir comment se comporter fi hada al-hal. Qala al-Sheikh Najmi rahimahullah, ou qabla hada, celui qui a posé la question, ou celle qui a posé la question, c'est une femme, elle a montré dans sa question, elle lit al-Qur'an. Qira'atu al-mu'awwidatayn wa ayat al-kursi. Et ça c'est نافع جدا. اعتني بالقرآن أخي الكريم. ففيه شفاء, فيه شفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. Ce ضيق que t'as, احيانا t'as la poitrine serrée, t'as le cœur serré, parmi les meilleurs remèdes qui vont t'apaiser, bi idnillahi azza wa jal, al-Qur'an al-Karim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ففيه الشفاء, que ça soit pour les maladies du cœur ou du corps. C'est pour ça que anfa al-ruqa, c'est al-ruqya bil-Qur'an. Surtout al-maw'idatan, ayat al-kursi, surat al-baqara, surat al-fatiha, et al-Qur'an kulluhu shifa. Et kadhalik, c'est une rahma pour le mu'mini. Si tu ressens un dhaiq, tu as la poitrine serrée pour une raison quelconque, i'tani bil-Qur'an. Lakin, si tu veux profiter akthar et que ça soit bénéfique pour toi, tadabbar. Ne fais pas comme ils font certains, annahum, ils accrochent le Coran. Ils le lisent même pas. Hada la yanfa. As-salaf, il faisait pas hada. Là, al-Qur'an, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour être compris et appliqué. Et appliquer une chose que tu comprends pas, tu pourras pas. Fa'awwalan at-tadabbur. كما قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. Faut méditer. C'est quoi le sens? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset? Et quand tu as compris, t'appliques, ça t'aidera. Et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour ça. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah il t'a créé pour rien d'autre. أما هذه الدنيا, c'est pour t'aider et te faciliter à adorer Allah Azza wa Jal. Fahdhar, de pas délaisser le but et l'adoration pour quelque chose de futile. Lianna, ça sera la cause que tu seras malheureux fi dunya qabla al-akhirah. Kadhalik, ihdhar min hadha al-adu. Prends garde à cet ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala fi kathir min al-ayat te démontre annaka ta un ennemi juré qui veut ton mal. فاحذر قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان سان انمي pour vous, فprenez le comme ennemi. فاحذر من الشيطان. الشيطان il fait tout pour t'écarter du droit chemin. Ce qalaq, cette tristesse, احيانا on a la poitrine serrée, احيانا on s'énerve, احيانا on perd notre sang-froid, tout ça c'est من حرب الشيطان على الإنسان. Annahu, il a juré annahu, il fera tout pour égarer la plupart des gens. Fahdhar wasta'idh billah min qala azza wa jal wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Sta'idh billah, hada al-adu, tu peux rien faire quand revenant Allah azza wa jal. Si tu veux combattre cet ennemi et que cet ennemi ne te fait pas de mal, reviens à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que fi hadith Abi Huraira, la qissa avec un shaytan, quand un shaytan il est venu et à chaque fois il volait Abu Huraira, il l'a attrapé à la fin. Un shaytan il a dit à Abu Huraira, si tu me lâches, je t'apprends une chose. Si tu l'as dit, aucun shaytan ne t'approchera. Avant de dormir, récite Ayat al-Kursi. Et celui qui récite et qui comprend, il saura pourquoi Ayat al-Kursi elle protège min hadha al-adu. Al-Qur'an c'est kalam Allah Azza wa Jal. Le plus grand remède c'est Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Najmi il a cité des points bénéfiques qu'on va lire l'an inshallah. Qala awwalan, premier conseil qu'il donne à cette femme, an ta'lami أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما جاء في الحديث الصحيح. أن toute chose qui te touche, tu dois avoir la conviction que elle te touchera. لأن الله سبحانه وتعالى il a décrété que cette chose elle te touchera. Que ça soit la pauvreté, que ça soit la maladie, que ça soit la perte d'un proche, tout ça الله سبحانه وتعالى قدره. وما أخطأك, et une chose que Allah il a pas décrété que tu auras, que ce soit un enfant, de l'argent ou autre, sache que tu ne l'auras jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a pas destiné. Pourquoi ce point il est important? لماذا لأن si tu es touché par une chose, ça sert à rien akhil karim de regretter, de toujours te le rappeler, de t'en vouloir. Avance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété cette chose, place ta confiance en Allah. Kadhalik husnudhan, tu dois avoir une bonne pensée envers Allah azza wa jal, annahu, c'est pour ton bien. Kam minan nas, ils ont eu des enfants et ça a été un problème pour eux. Bel rubbama, cet enfant, il le pousse à sa perte. Kam minan nas, ils ont eu de l'argent, cet argent, ça les a poussés à leur perte. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, ma katabahu lak, c'est un khayr. Fa tasbir. Et tu'min bil qadar khayrihi wa sharri. Ce premier point, il est important. Wa ta'ammal hal al kuffar. Annahum, ils n'ont pas ce iman. Fa rubbama, tellement qu'ils regrettent une chose. Rubbama, il se suicide, il met fin à ses jours. Pourquoi les annahu, il n'a pas ce iman? Amal mu'min là. On est des êtres humains, bien sûr qu'il y a des choses qui font mal, lakin tu te rappelles qadar Allah azza wa jal et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. À ce point, il est important. Le deuxième, قال rahmatullah alayhi, an ta'lami annaki la turaddih bil ham alladhi tahmilin aw tahmalin bihi nafsaki شيئا مما قدر الله فالقدر سيمشي في طريقه ولا بد لا يرده شيء من وجود الهم أو عدمه. Ça suit le premier point que Cheikh Najmi a cité. Et si Allah il a pas قدر, on prend مثلاً l'exemple d'une femme qui a pas d'enfant. Là, chacun ça va rendre triste cette femme. Allah il lui a pas قدر qu'elle a un enfant ou qu'elle ait un enfant. Est-ce que en étant triste, en se faisant du mal à elle-même, toujours en pensant à cette chose, est-ce que ça va faire, ça va être la cause qu'elle aura un enfant? Là, elle se fait du mal à elle-même, en plus. Dans ce cas, elle dit, Alhamdulillah ala kulli hal, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Hada, c'est un fa'al. Et elle passe à autre chose. Et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il est ala kulli shay'in qadir. Comme les nisa, elles n'ont pas eu d'enfants pendant une longue période, thumma Allah subhanahu wa ta'ala razaqahum. Amma se faire du mal, les remords, toujours parler de ça, ça c'est un dha'f l'iman. Et ça fait que du mal à ce mu'min ou à cette mu'mina. Troisième point, an taqsudi irda Allah fi nafsik wa fi zawjik wa fi ahlik wa fi kulli ma tamlikinahu. Et ça, c'est important, Kadalik. Troisième point, cette personne, homme ou femme, cette personne, elle doit tout faire pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Même si tu es éprouvé, même si tu as été touché par une catastrophe, la taqul illa khayran. C'est pour ça que celui qui a perdu un proche, et c'est une catastrophe énorme, as-sunnah, annahu yaqul inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est ça la sunna. La taqul illa khayran. Pourquoi? Lianna, dire une mauvaise chose, ça fait que empirer le cas de cette personne. Hakada, ba'd an-nas, ils ont un problème et ils passent leur nerf sur les autres. La femme sur son mari, ou le mari sur sa femme, ou sur leurs enfants, ou sur leurs parents, ou sur leurs amis. Hada la yanbaghi. Ittaqillah fi nafsik wa fi ghayrik. Ça va te faciliter. Il y en a comme les nains, ils ont eu des problèmes, et à cause de ces problèmes, ils en ont voulu à certaines personnes qui n'ont rien à voir. Thumma, quand ils se sont calmés, ils ont regretté. On doit avoir cette intention. Irda Allah Azza wa Jal. On dit des choses qui ne font pas du mal à notre iman. Kadhalik, on fait des choses qui ne font pas du mal à nos proches. Quatrième point. Qala rahimahullah. Ana a'lam. Wa kullu insan aqil ya'lam. أن الظروف الصعبة لابد أن تؤثر في نفسية الإنسان. Cheikh Najmi dit, je sais très bien, et chaque aqil, chaque personne qui a la raison, il sait très bien, أن الظروف الصعبة, et il y a des situations compliquées, ça fait du mal. T'as été accusé à tort, t'as subi une injustice, t'as perdu quelque chose d'important, on a fait du mal à quelqu'un de ta famille, ça fait du mal. Ça te montre l'insan, c'est un bachar, c'est pas un robot, t'as des sentiments. Faut pas comprendre quand les savants ils nous conseillent de patienter, de passer à autre chose, de placer notre confiance en Allah, ça veut pas dire que t'as aucun sentiment. Là, t'as des sentiments. Lakin, fais attention que ces sentiments ils prennent pas le dessus. Kam minan nas, ils ont eu un excès dans la tristesse, et ils se sont fait beaucoup de mal. Ba'dhum, ils ont été jusqu'au suicide. Kam min an-nas, ils ont été dans l'excès, dans l'autre extrême, ils ont été tellement heureux, ils ont dépassé les limites. La da'iman, tu te limites avec ton dé. Da'iman, tant que tu peux. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala thaba. قال الشيخ نجمي لكن المؤمن يستعين على تخفيفها وتحمل وطأتها بالله رب العالمين فيكون على اتصال بربه دائما بالتضرع والابتهال إلى الله أن يختار له ما فيه الصلاح. المؤمن même s'il est touché dans une chose, لكن دائما يستعين بالله, il demande l'aide à Allah, il ne désespère pas. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ma fihi al-khayr wa salah. Et ça, c'est important. La nahiyana ba'dannas, il demande des choses, cette chose elle lui fait du mal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ma fihi al-khayr wa salah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui te seront utiles ba'd al-maut. Kadhalik fi dunyak. Lakin n'oublie pas ba'd al-maut. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui te seront utiles dans ton dîn. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'ilm al-nafi' wa l'amal al-salih wa l'rizq al-tayyib. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne du sabr et l'hikmah. Et tu verras que si tu es éprouvé et tu seras éprouvé par rapport à ton iman, inshallah tu auras de quoi patienter face à cette épreuve. Al-mushkil al-an anna ba'd al-nas ils sont éprouvés fil haqiqa avec des épreuves qui ne sont pas insurmontables par rapport à d'autres. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه. الإنسان il est éprouvé par rapport à son iman. فبعض الناس في الحقيقة leur épreuve elle est pas insurmontable. لكن ils ont pas de quoi patienter ou repousser. فقط. Et ils se font du mal. Et tu trouves من الناس ils ont des épreuves énormes. لكن il a quelque chose pour repousser. Il a l'iman, il a العلم, il a القرآن. Il a du'a. Fahada, ça l'aide. Et c'est ça la différence entre le mu'min et le kafir. Le kafir, il désespère très vite. Amma le mu'min, là. Pourquoi? Parce que c'est un mu'min. Il sait qu'il y aura un jour de justice. Si quelqu'un lui a fait subir une injustice, il sait qu'il y aura un jour de justice. Amma le kafir, là. Le kafir, il veut tout. Tout de suite. L'imad, il n'a pas ce iman. Qala al-shaykh Najmi, rahmatullah alayhi, wa al-ibtihal ila Allah. أن يختار له ما فيه الصلاح والخير وأن يصرف عنه الشر وأسبابه. هذا سان دعاء عظيم. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le khayr et les causes du khayr et ma fihi le khayr pour toi في دينك ودنيا. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala أن يبعد عنك الشر وأهل الشر. Et تأمل نعم حديث الثلاث qui étaient في الغار, comme il nous a cité notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Trois hommes, ils sont rentrés dans une caverne et ils ont été éprouvés. L'ouverture, elle a été bouchée par un rocher. Ils ne pouvaient plus sortir. Ibtila min Allah azza wa jalla. Et anta, essaie de te mettre à leur place. Anna, c'est une épreuve azim. Tu es bloqué dans cet endroit, sans provision, sans rien. Personne ne t'entend, illallah azza wa jalla. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait, Haoula? C'était des mu'minoun, salihoun. Est-ce qu'ils ont désespéré? Abadan. Kullu wahed min Haoula, il a demandé à Allah, Azza wa Jal. Ils se sont concertés et ils ont dit, Kullu wahed minna, ils étaient trois, chacun de nous, il va demander à Allah, Azza wa Jal, de repousser ce rocher, hatta ils pourront sortir. Kullu wahed minhum, chacun d'eux, il demande à Allah, Azza wa Jal, bi amalin. Un amal qu'il a fait, et il pense que ce amal, il était sincère pour Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ce amal minha, bi'idni Azza wa Jal. Donc chacun d'eux, il a demandé bi'amal. Et à chaque fois qu'il demandait, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur faisait une ouverture. Hatta farraj Allah subhanahu wa ta'ala anhum. Hakat al-mu'min. Épreuve revient à Allah Azza wa Jal. C'est ça la meilleure solution et la solution la plus profitable. Nahnu ahyanan, on a des faiblesses, on oublie hada. Pourquoi? Lianna l'insouciance, wa dhunub, wa al-ma'asi, les fréquentations, l'ambiance. Enfin, tout ça, ça fait que ce mu'min, il oublie. Wallahi, ba'd al-mu'minin, certains muslims, Robama, il a une épreuve, tu lui demandes est-ce que tu as fait de dua, il n'a même pas fait de dua. La première chose qu'il doit faire, c'est هذا. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Faire de dua, dire la hawla wa la quwwata illa billah, tout ça, ça aide. Qira'at al-Qur'an, demander à Ahl al-Ilm, tout ça, ce mu'min, Robama, il ne fait pas. Et il se fait du mal. On ne doit pas oublier les choses de base. Cinquièmement, khamisan, yajib an ta'lami an al-ibtila'at wal-masa'ib al-dunyawiyya lil muslim fiha ajr 'azim idha ihtasabaha wa hamida Allah 'alayha. Et ça, c'est une fa'ida 'azima pour le mu'min. An ces épreuves, ce mal qui t'a touché, cette chose que t'as perdu, i'lam 'ilm al-yaqin an c'est un khair pour toi. Lakin il faut deux choses. الاحتساب أي تحتسب وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها. Ça c'est مهم. Et il a cité le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وكان خير أو كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Dans tous les cas, le mu'min, il est fi khayr. S'il est touché par un mal et patient, bien sûr, comme on l'a dit, yahtasib lillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève en degré. Il lui efface des péchés. Tout ça, c'est pour son bien. Si c'est un bien qui le touche, yashkur, il est reconnaissant, il n'oublie pas. Cet argent, ses enfants, cette bonne santé, la tawdhan, c'est toi, là. Là, tu fais certaines causes. Amma al-fadl ila biyadillahi azza wa jal wahda. Fa al-mu'min, quand il est touché par un mal, il patiente. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve. Et il sait que c'est pour son bien. Fa il est gagnant. S'il est touché par un bonheur, kadhalik, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve kadhalik. Fa il est reconnaissant. Et il est gagnant kadhalik. Dans tous les cas, ça c'est que pour le mu'min. Fa bshir akhi al-karim. T'es un mu'min, ne désespère pas. Profite de ces épreuves. Si c'est une épreuve, vu qu'Allah te la qadr, comme on a cité dans les premiers points, tu ne peux pas la repousser. Enfin, profite-en au moins du ajr. Fala taqul illa khayran, tu patientes, et alhamdulillah, tu seras à la khayr. Sixième point, qala al-shaykh rahimahullah, adulluki ala du'a il-karb. Et ça, c'est important. Ad-du'a, tu peux faire des du'a si tu ne connais pas ceux qu'on va citer par cœur. Allah subhanahu wa ta'ala yifta' alayk, qu'Allah te facilite, qu'Allah te pardonne, qu'Allah t'aide à endurer cette épreuve, à patienter. Hada c'est tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu peux faire du'a que tu veux, bien sûr, tant que ce n'est pas une demande de haram, tant qu'il n'y a pas d'i'tida, tant que tu ne dépasses pas les limites, etc. Hada ma'ruf. Hatta ceux qui peuvent faire en langue arabe, ils peuvent faire avec la langue qui maîtrise. Lakin faire le du'a avec al-ma'thour an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal. Il y a de la baraka akthar. Et ta'ammal, ma'i. Cheikh Najmi, il a cité ce du'a. Il est dans le Sahihayn. Qala, la ilaha illallah, al-azim al-halim. La ilaha illallah, rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah, rabbul samawati, wa rabbul ard, wa rabbul arsh al-karim. Vous avez remarqué que dans ce du'a, il y a beaucoup la ilaha illallah, al-tawhid. Ça te montre هذا, أن الله سبحانه وتعالى t'a créé pour هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي واحد. Pour adorer Allah seul. Enfin, si tu es touché par une épreuve, avec ce genre de dua, tu te rappelleras que Allah t'a créé pour la ilaha illallah. Enfin, tu patienteras. L'essentiel, حقق هذا التوحيد. Et tu seras à la khayr. Ta'ammal Ibrahim alayhi salam, imam al-hunafa, imam al-muwahidin alayhi salatu salam, ils l'ont jeté dans le feu, c'est une épreuve pour le faire du mal, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a sauvé. Amma al-musib al-an, anna kathiran min al-nas, quand ils ont un problème, ils délaissent ces du'a, ils délaissent ce tawhid, et iyadan billah, ils se tournent vers des sorciers, ou vers tamaim, des talismans, ou ils vont visiter al-wali fulan, Sidi Fula. Tout ça, ils ont délaissé Rabb al-Alamin, ils ont délaissé ces du'as, et ils reviennent à un makhluk da'if. Et c'est ça, al-shirku al-akbar. Pourquoi ? Li'annahum, ils demandent, ils reviennent, ils espèrent une chose dont un makhluk il n'est pas capable. Et ils délaissent al-khaliq. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هؤلاء سيدي الظلمة. Ils ont eu un problème. بعضهم مثلا leur femme elle arrive pas à avoir d'enfants, ou ils ont perdu de l'argent, ou un tel leur a fait du mal, ils vont voir un sorcier. Ils ont eu un problème fit dunya, et en allant chez ce sorcier, أنهم ils espèrent de lui qu'il les aide, ils ont perdu الآخرة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est notre prophète صلى الله عليه وسلم qui dit هذا. أن celui qui va voir un sorcier il le croit. فهذا كفر بما أنزل على محمد. أي sort de l'islam. فأخي fais attention. Oh mes femmes on doit faire attention من هذا. أن si on a un problème on revient à Allah. تأمل هذا الدعاء le deuxième qu'on va citer. Le premier, Cheikh Najmi l'a cité. Nous, on a rajouté quelques du'a. An Sa'd, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, da'watu dhinnun, idha da'a wa huwa fi batni l'hout. Quand il était fi batni l'hout, dans le ventre du poisson. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cette histoire fi le Qur'an. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa ant. سبحانك إني كنت من الظالمين التوحيد. Vous avez remarqué que chaque dua فيه لا إله إلا الله. أي العبد doit savoir en Allah il l'a créé que pour ça. Et Allah il t'a créé et il t'éprouve. فاصبر. L'essentiel adore le seul عز وجل. Et place ta confiance et Allah سبحانه وتعالى il veut ton bien. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط illa stajab Allah lah. N'importe quel musulman qui fait ce dua la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond. Al hadith il est Jami' al-Tirmidhi et l'imam al-Albani rahmatullah alayhi il l'a sahih. Anta si tu as un problème, si tu as un dhayq, si tu te sens mal, si tu as des problèmes, si tu es angoissé, fais ce genre de dua. Lis le Coran et tu verras que tu vas aller beaucoup mieux. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب أو في الكرب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à أسماء بنت عميس, est-ce que tu veux que je t'apprenne des mots si t'as un problème, t'as des soucis et ça t'aidera. قالت نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit Allahu Allahu Rabbi la ushrik bihi shay'a. Tawhid. Ay su'ab, quand il a ce problème, il sait que il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le secourir, qui peut l'aider. Mais les autres choses c'est des asbab. Si c'est une cause où il y a pas de haram, مثلا il est malade, il va au docteur, ou il a faim, il cherche de quoi manger, ça c'est des asbab, on doit les faire. Lakin on a toujours dans le cœur أن الله سبحانه وتعالى سلوي كي كابابل دو تو. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. التوحيد سي أنفع العلاجات. Tu veux le remède le plus efficace? التوحيد. Unifier Allah في العبادة. Ne pas adorer autre. Et la maladie la plus grave, الشرك. Adorer autre qu'Allah. Égorger pour un mort, ou demander à un mort comme ils font الجهال عياذا بالله. Tout ça, ça fait du mal au abd dans son dîn et fi dunya. Fahdhar, fahdhar la sorcellerie et hadhar les tamaim. Nas ils ont des khurafat fi hada. Si t'as mal à la tête, tu dois faire telle chose. Si t'as pas d'enfant, tu dois faire telle chose. Iyadam billah. Si t'as pas d'enfant, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit pas atteindre ce niveau de safaha. Je dois aller faire telle chose, بعضهم, ils doivent égorger tel animal, ou prendre telle terre, ou aller visiter un tel pour avoir un enfant. Iyadam billah. T'as besoin de quelque chose, demande à Allah et fais l'asbab al-shar'iyya. Et comme minan nas, ils n'ont pas eu d'enfant, t'es pas le seul. Comme minan nas, ils ont perdu un proche, t'es pas le seul. Isbir, t'es fidounia. Tu veux raha, tu veux aucun problème? Et c'est ça notre but à tous, de plus avoir de problèmes et avoir que du bonheur. Patiente, suis le Coran, suis Sunna, patiente et ne fais rien passer avant ton din jusqu'à ce que tu meurs et inshallah tu goûteras al Jannah. Il y a aucun problème. هذه الآن دار دار تعب ومحن وفتن. Dernière chose, قال الضعي يدك اليمنى على قلبك وقولي كذلك هذا سمن الرقى التي شرعها نبي الله صلى الله عليه وسلم. Ça fait partie des ruqa, أي الرقية المشروعة que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré. Tu mets ta main droite, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, sur la partie où tu as une douleur. Maintenant, si c'est ton cœur, tu te sens mal, fais la main droite sur ton cœur et tu dis, comme fi Sahih Muslim, et il y a une autre riwaya que Sheikh Najmi l'a cité, A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid. Thumma, t'enlèves ta main et tu remets ta main et tu redis la même chose 7 fois. Et fi Sahih Muslim, tu dis bismillah thalathan, thumma, tu dis 7 fois, A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadir. هذا فيه نفع عظيم. Pourquoi? لأنه c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré. Enfin, pourquoi délaisser هذا et aller voir un ignorant, un sorcier, واحد? Son but c'est que ton argent. والله أنهم, leur but c'est que l'argent des mu'minin. Enfin, ils leur citent des choses, أحيانا, ça rentre pas fil l'aql. Lakin, c'est pour l'argent. Fais telle chose, emmène-moi telle chose, bois telle chose. Ayyadam billah. La dernière riwaya, bismillahi thalathan, fi sahih muslim, an Uthman ibn al-As, radiyallahu anhu. Hada al-kalam, c'était ça les points que Sheikh Najmi l'a cité. Et on cite la référence, Fath, Rabbil Wadud, fi al-Fatawa wal-Rasail wal-Rudud. Le deuxième volume, Mujallad al-Thani, safhat 404, page 404. Ça c'est des fatawa et des rasail et des rudud de Sheikh Najmi rahmatullah alayhi. Et nous on clôture avec un point important, ça va être utile à tawba. لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Chaque musiba qui vous touche, chaque mal qui te touche, akhi, فبما كسبت أيديكم, c'est ce que tes mains elles ont fait. لأن الله عز وجل il est juste. التوبة, celui qui fait التوبة والاستغفار, Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne et inshallah son cœur il sera apaisé. كذلك التمسك بالسنة تمسك بدين الإسلام. الراحة tu la trouveras pas dans l'argent forcément. بل كم من الناس, l'argent ça leur fait plus de mal que du bien. الراحة tu la retrouveras pas en essayant de prendre pour modèle Al-Kafara, A'da'ullah Azza wa Jal. La. Al-Raha, c'est dans le din. Qala Azza wa Jal, man amila salihan, min dhakarin aw untha, falanuhyannahu hayatan tayyibah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, anna celui qui veut l'hayata tayyibah, l'hayata tayyibah, c'est une bonne vie, une vie heureuse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qala Azza wa Jal, man amila salihan, celui qui fait l'amal al-salih. C'est ça. Qu'il soit pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit enfermé, qu'il soit rejeté, qu'il soit critiqué, accusé, s'il est min as-salihin, fa inshallah, il aura une vie heureuse. Comme min an-nas, ils ont des millions et ils sont malheureux. Et vous le voyez, hal. T'entends, il y a des personnalités, des stars, des hommes politiques, des gens qui ont de l'argent, t'entends, ils se suicident. Ah oui, il est malade, il ne peut même plus profiter de son argent. Tu trouves un mu'min, il a presque rien. Il a de quoi manger, de quoi s'habiller. Wallahi alhamd. Et tu le trouves, il est firaha la ya'lamuha illallah azza wa jal. Donc on ne doit pas inverser les choses. Lakin, si tu veux faire partie de ha'oula, al-amal al-salih. Comme a dit azza wa jal, man amila salihan min dhakarin aw untha. Ça englobe les hommes et les femmes. Al-amal al-salih. Al-amal al-salih, ce n'est pas suivre les autres. Ce n'est pas faire ce que les gens y font. C'est pas faire ce que tu penses toi être bon là. Al-amal as-salih, c'est ma jaa fi al-Qur'an wa fi as-sunnah. Tout ça avec la sincérité, c'est ça l'amal as-salih. Ikhlasun wa mutaba'a. Fa chaque amal que tu veux faire, akhil karim, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que ça fait partie de notre dîme? Si ça fait partie de notre dîme, fatawakkal ala Allah, apprends comment faire ce amal, wa an-niyya. Fais tout pour être sincère. Si tu fais des efforts, bien sûr avec du'a et la patience, fa inshaAllah tu seras ala khayr. Comme قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. Chaque être humain, il va à sa perte. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui font l'amal salih. Comme fi hadhi al-aya man 'amila salihan min dhakarin aw untha. كذلك dans sourate al-'Asr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كذلك tu montres aux autres وتواصوا بالصبر et tu patientes. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا نعم الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. Inch'Allah, on verra pour le prochain dars, jeudi, on commencera une nouvelle risala. J'essaierai de vous dire le titre. Hatta on achète cette risala et on continue nos durus. Wa lillahi alhamd. Hayyakum Allah.